Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les éditions Flammarion viennent de rééditer l'ouvrage de Benedetta Craveri, Madame du Défunt et son monde, avec une préface de l'académicien Marc Fumaroli. Belle occasion de nous replonger au siècle des Lumières et oui, aujourd'hui. Dans le sillage donc de cette dame hors du commun et en compagnie d'une autre dame hors du commun, puisque Joël Chevet nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Quand je pense que certains trouvent cette émission trop masculine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. La France et l'Angleterre se sont toujours regardées avec une sorte de mélange de fascination et d'antipathie, mais ça a été particulièrement vrai au milieu du XVIIIe siècle. On est à cette époque où les deux puissances aspirent à dominer l'Europe. Cette rivalité s'exprime évidemment dans les domaines politiques et militaires, et notamment sur les mers, mais aussi sur le terrain culturel. Les élites françaises ont tendance à regarder de plus en plus ce qui se passe outre-Manche. Pensez à Voltaire et à son anglomanie incroyable. Nos élites s'éprennent d'auteurs britanniques, je pense à l'écrivain Samuel Richardson, notamment l'auteur de Pamela. Il y a une véritable anglomanie qui s'est emparée de ceux qui en France font profession de belles lettres. Et cependant, Paris n'en est pas moins toujours le phare culturel de l'Europe. Dans l'aristocratie anglaise, il est de bon ton d'avoir une idée des débats intellectuels qui se déroulent à Paris. Et de fait, la capitale française peut apparaître comme un refuge naturel pour les beaux esprits britanniques. C'est en tout cas le cas d'un aristocrate qui s'appelle Horace Walpole. Il a été assez dépité par des soucis personnels en Angleterre et il choisit de venir respirer un autre air le temps d'un séjour parisien à partir de septembre 1765. Walpole n'est pas un nom inconnu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le père d'Horace, Robert Walpole, a été Premier ministre britannique pendant de longues années. Horace aurait pu évidemment inscrire ses pas dans ceux de son père et jouer les premiers rôles dans la haute politique, seulement il n'a pas voulu de cette carrière, de ce destin. Être un représentant accompli de sa caste avec ce qu'il faut d'instruction, de vivacité d'esprit, de dilettantisme aussi, disons-le, voilà ce qui lui paraît une activité plus sympathique, plus adéquate, plus en conformité avec son tempérament, activité à plein temps. Il faut y ajouter un don pour l'écriture. Walpole vient de publier son premier roman, Le Château d'Otrante. C'est un homme qu'il faut imaginer très raffiné. On a les très beaux portraits par Gainsborough, vous savez, assez raffiné, un peu fragile, il faut bien le dire, une certaine réserve. Il a presque 48 ans à l'époque, assez fluet, sans grande virilité, vous l'aurez compris, mais avec un beau regard sombre. Et quand il arrive à Paris, grâce à des relations personnelles et familiales très développées, inutile de vous dire que toutes les portes s'ouvrent devant lui à double battant. Il fréquente les salons les plus réputés de la capitale des lettres. Il faut imaginer ce que peuvent être ces salons. Alors évidemment, l'essentiel de l'activité dans un salon, c'est de passer son temps. Ce sont des lieux d'oisiveté, si je puis dire. Mais alors, on s'occupe brillamment, en bonne compagnie. On s'amuse de mots d'esprit, d'anecdotes que l'on colporte sur les uns et les autres. On applaudit au talent des uns. On moque aussi les ridicules des autres. Les philosophes des Lumières sont en plein triomphe à l'époque où arrive Walpole. Vous imaginez, on est dans les toutes dernières années du règne de Louis XV. On est en 1765. On brasse de grandes idées. Peut-être un petit peu trop au goût d'Horace Walpole qui paraît regretter le Paris nettement plus léger des années 1730, celui qu'il avait brièvement connu à l'époque où il faisait son grand tour. Vous savez, quand ces jeunes aristocrates britanniques faisaient le tour de l'Europe pour s'instruire, pour adorner leur culture. Horace découvre un salon qui lui correspond néanmoins bien. Un salon, si vous voulez, qui restait ancré un peu dans l'ancienne mode, celui de Marie de Vichy-Chambon, que l'on connaît beaucoup mieux sous son titre de marquise du Deffand. Elle incarne bien l'esprit brillant, léger, licencieux qui a grisé la haute société française de la première moitié du XVIIIe siècle. C'est André Mauroy qui le précise, je le cite, « Madame du Deffand n'est ni de la génération des encyclopédistes, ni de celle de Madame de Maintenon. Elle est d'une génération intermédiaire, d'une génération qui ne connaît qu'une passion, qui est l'horreur de toute passion. L'amour dans le mariage leur semble ridicule à ces femmes, mais l'amour dans l'amour tout autant. Elles ont eu leur jeunesse au temps de la Régence, temps où les liaisons duraient 15 jours. Cela a été la durée de celle de Madame du Deffand avec le Régent, et quand elle y pense encore, ce qui est rare, elle s'étonne de cette longue durée. » En 1765, lorsque Horace entre pour la première fois dans le salon connue dans toute l'Europe de Madame du Deffand, elle a déjà 68 ans, la dame. Et à juste titre, elle passe pour une des femmes les plus brillantes de son temps. Elle reçoit dans un appartement du couvent des filles Saint-Joseph. On est dans l'actuelle rue Saint-Dominique. C'est une figure du Paris de l'époque qui impressionne ses contemporains. Ses avis comptent, sont écoutés, redoutés même. Elle a pas mal d'ennemis, Madame du Deffand. Elle a aussi des rivales, bien sûr. Un cercle de fidèles plutôt âgés dont le président Hénault est un peu le pilier. Autrefois, il lui a exprimé des sentiments forts, ce président Hénault. Fidèle à elle-même, à l'époque, elle s'est moquée de lui. Elle voyait tout ça comme de la mièvrerie. Au physique, disons-le, maintenant, elle porte vraiment son âge et elle a perdu la vue, ce qui n'est pas négligeable. Alors, Horace Walpole découvre donc ce salon célèbre. Il pose un regard quand même assez impitoyable sur ce qu'il voit. Il écrit, il est cité par Benedetta Craveri, « Le vieux président Hénault est la pagode chez Madame du Deffand, une vieille et aveugle débauchée d'esprit chez qui j'ai soupé hier soir. Le président est presque complètement sourd, la maîtresse de maison, qui jadis fut la sienne d'ailleurs, pose des questions sur chaque plat qu'on apporte. On lui dit ce que mange chacun et elle crie dans l'oreille du président le menu de chacun des invités. Bref, chaque bouchée est commentée à haute voix, comme le sont d'ailleurs aussi chacune de mes bourdes grammaticales, faites quelquefois intentionnellement et qui ont du succès. » Et puis, à mesure que le séjour de Walpole s'attarde à Paris, eh bien, le ton change. Madame du Deffand se met à lui plaire. Il note, je cite, « Elle conserve tout, vivacité, esprit, mémoire, jugement, passion, agrément. Elle va à l'opéra, au spectacle, au dîner et même à Versailles. Elle donne à souper elle-même deux fois par semaine, se fait lire toutes les nouveautés, compose des chansons et des épigrammes et se souvient de tout ce qui s'est passé depuis ces 80 dernières années. » Elle correspond avec Voltaire, le contredit, n'est dévote ni à lui ni à personne et se moque à la fois du clergé et des philosophes. Dans la dispute, et elle est sujette à y tomber, elle est très animée et pourtant presque jamais elle n'a tort. Dès la fin de cette année 1765, Horace fait figure à son tour de pilier chez Madame du Deffand. Il semble qu'assez vite la vieille dame se soit de son côté entichée de cet Anglais brillant, un peu égocentrique. Elle est même assez fascinée par lui. Ils ont 20 ans d'écart, mais leur regard sur le monde est souvent le même. Elle apprécie l'absence de contraintes de Walpole, sa façon d'égratigner les gloires les plus établies, sa franchise aussi, qui parfois va jusqu'à friser la brutalité. Serait-il possible que, pour la première fois de sa vie, la cynique Madame du Deffand se laisse aller à un sentiment amoureux. Castor et Pollux, un extrait de l'opéra de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Alors nous suivons cet après-midi la relation ambiguë qui a uni deux esprits brillants du XVIIIe siècle. Madame du Deffand, la reine vieillissante et aveugle du Paris des salons, et Horace Walpole, un aristocrate anglais bien plus jeune qu'elle, qui fréquente sa société et semble tomber sous le charme. Alors avant d'en savoir plus sur ce couple, Franck, pensez bien que je suis impatiente, j'ai quand même une question à vous poser. Vous y allez un peu vite. Oui, quand même. J'y vais un peu vite, c'est vrai que je grille quelques étapes. Alors, juste avant d'en savoir un peu plus sur eux deux, je voudrais quand même qu'on reparle de ces salons et celui de Madame du Deffand. Ils avaient une importance historique, ces salons? Oui, ils ont commencé comme des lieux de sociabilité, des lieux de mondanité, si vous voulez. Peu à peu, sont devenus des lieux politiques. Certes, il y a la dimension littéraire et culturelle, mais la politique n'est pas absente, surtout dans la fameuse lutte qui oppose le pouvoir à l'époque au Parlement, et surtout dans cette espèce d'avancée du mouvement qu'on appelle philosophique, cet esprit des Lumières, comme nous disons nous. Alors, c'est par exemple Jean-Christian Petit-Fils hein, qui l'explique. Dans les cercles culturels, les salons, cafés, sociétés savantes, nous dit-il, se formaient un espace autonome à l'éthique égalitaire, où le débat des idées, le libre exercice de la critique échappaient au pouvoir. Les salons les plus actifs étaient ceux de la marquise du Deffand, justement, de Madame Geoffrin, de la duchesse de Boufflers, plus tard celui de Mademoiselle de Lespinasse, sans oublier la coterie du baron d'Holbach. Sans doute les rivalités de chapelles s'y exacerbait-elle, mais ce n'était plus Versailles qui donnait le ton. C'est ça la grande différence, hein. C'est que du temps de Louis XIV et au tout début du règne de Louis XV, tout venait du château de Versailles. À partir du milieu du règne, les salons ont pris le dessus d'une certaine manière, et c'est Paris qui donne la note, qui donne le « là ». Des hommes et des femmes, vous l'aurez compris, prennent dans ce contexte-là une influence considérable, et bien sûr, Madame du Deffand joue là un rôle absolument central. Alors, nous sommes au cours de notre hiver 1765-66. Cette reine du Paris lettré paraît touchée au cœur. Horace Walpole est pour elle un peu le soleil qu'elle ne voit plus d'une certaine manière. Comme elle ne peut pas voir ses traits, elle lui demande, comme font les aveugles, vous savez, de tâter son visage pour qu'elle puisse se le représenter. Ils vont passer de plus en plus de temps ensemble. Ils se ménagent une forme d'intimité. Les sentiments de Madame du Deffand s'approfondissent. Horace, au-delà de sa réserve très froide, très britannique, semble laisser prise à des sentiments qui sont un petit peu difficiles à définir. Et ça pousse Benedetta Craveri, la biographe de Madame du Deffand, à s'interroger. Je la cite. « On peut comprendre les engouements d'une vieille femme malade, privée d'affection, torturée par l'ennui et l'insomnie, qui a enfin trouvé un prétexte auquel se raccrocher, une manière de se sentir encore vivante. » En revanche, on doit se demander ce qui a poussé Walpole à s'engager dans une liaison dont il sent bien vite le caractère ambigu et embarrassant. En fait, il faut reconnaître qu'Horace est assez coutumier des amitiés avec des femmes mûres. Madame du Deffand l'intéresse par son esprit supérieur, par son art de la conversation, par son expérience, par sa liberté de penser, vous l'aurez compris. Et puis, il apprécie sans doute qu'une femme comme elle, qui est après tout la femme la plus connue de Paris, disons-le, s'attache à lui. Et pourtant, c'est bien une forme de piège qui en quelques mois va se refermer sur cette relation un peu ambiguë. Le séjour d'Horace en France touche à sa fin. Les deux amis vont devoir se séparer au risque d'exacerber encore la passion de Madame du Deffand. Horace s'en va, il part le 17 avril 1766. Il insiste pour qu'elle réfrène ses effusions dans ses lettres et surtout il voudrait qu'elle soit discrète. Il a très peur d'être à son tour l'objet des moqueries dont autrefois Madame du Deffand était elle-même l'orchestratrice. Alors, elle essaie d'obtempérer. Voilà ce qu'elle écrit. « Je commence par vous assurer de ma prudence. Personne ne sera au fait de notre correspondance et je suivrai exactement tout ce que vous me prescrivez. J'ai déjà commencé par dissimuler mon chagrin. » Mais en vérité, ça ne dure pas. Tout en prétendant ne pas ressentir de passion, elle se laisse aller à un sentimentalisme qui, de jour en jour, se met à oppresser Horace, et il ne se gêne pas pour le lui dire, très directement. « Je trouve votre lettre qui me cause on ne peut plus de chagrin. Est-ce que vos lamentations, madame, ne doivent jamais finir? Vous me faites bien repentir de ma franchise. Pourquoi vous ai-je avoué mon amitié? C'était pour vous contenter, non pas pour augmenter vos ennuis, des soupçons, des inquiétudes perpétuelle, vraiment. Si l'amitié a tous les ennuis de l'amour sans en avoir les plaisirs, je ne vois rien qui invite à en tâter. Parlez-moi en femme raisonnable. » La correspondance en passe encore et encore par les mêmes étapes. la réserve demandée par Horace va vite se craqueler, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Madame du Défend, même si elle a le bon goût le plus souvent de le faire avec style, n'en rechute pas moins dans la passion la plus effrénée dans ses lettres, des peurs, des espérances, des reproches à n'en plus finir, plus ou moins ouvert tout cela. Mais tout de même, il y a de quoi se demander, à la suite des auteurs qui se sont penchés sur Madame du Défend, ce qu'est devenue cette femme qui, quand même, autrefois, et nous en parlerons dans un instant avec Joël Chevet, méprisait l'amour. La femme qui pouvait tancer un peu cruellement ceux qui lui glissaient des mots trop doux. Les choses semblent se passer mieux lors des quelques séjours d'Horace à Paris. On est là on approche de 1770. Et il est presque continuellement chez elle hein, quand il est à Paris. On les voit ensemble. Ils partent, par exemple, en escapade au château de Sceaux, sur les traces du passé de Madame du Défend, à l'époque où elle était habituée de la cour de la feu duchesse du Maine. On en parlera aussi tout à l'heure. Il y a même des scènes un peu étonnantes. Un jour, par exemple, Madame du Défend insiste pour rester dans la pièce où Horace est en train de se laver. Après tout, son regard ne risque pas de se perdre puisqu'elle est aveugle. Mais vous imaginerez quand même le caractère un peu particulier de la situation. Quand Horace rentre chez lui, la correspondance reprend. Entre morceaux de bravoure littéraire, chamaillerie, période de froid, les sentiments se contrarient de part et d'autre. L'équilibre de ces deux-là semble bien résider dans le déséquilibre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle, au cœur de l'histoire de Madame du Défend cet après-midi, qui a une relation très ambiguë, très amicale avec Horace Walpole. Ils sont très proches, mais enfin ils ont quand même du mal à se comprendre, hein. Ils se disputent souvent. Et entre nous soit dit, Horace Walpole a dans cette affaire un rôle assez ambigu, hein. C'est lui hein, le véritable, parce qu'elle, elle n'est pas ambiguë finalement, elle est folle amoureuse, qu'est-ce que vous voulez. Lui, de son côté, aimerait pouvoir dire qu'il a entretenu une correspondance avec la femme la plus brillante de son temps, pourquoi pas la publier un jour. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il lui demande de détruire les lettres qu'il lui envoie, mais lui garde des copies de ses lettres, et il garde, pire que cela, des copies de lettres qu'il ne lui envoie pas et où il se montre très dur avec elle, comme si un jour ça pouvait servir dans un recueil donné. Vous voyez, c'est quand même pas très sain tout ça, objectivement. Chacun, finalement, y trouve peut-être sa part. Benedetta Craveri note, on ne peut s'empêcher de penser que désormais, Madame du Défend se survit à elle-même. Ses lettres nous donnent toujours plus le sentiment d'une existence terminée, résignée, sans attente, sans désir, sans espérance. Sa vie imaginaire, tout occupée de Walpole, est paralysée par le refus et par l'éloignement. Sa vie quotidienne est rendue stérile par l'indifférence. Cette agonie lente et majestueuse se prolonge pendant 13 ans en une répétition obsessionnelle de l'échec sentimental et de la cérémonie mondaine, mais vidée de la signification passée. Elle s'affaiblit, Madame du Défend, à bientôt 83 ans, même si son entourage continue à se montrer rassurant. Le 22 août 1780, elle écrit encore à Horace « Je vous mandais dans ma dernière lettre que je ne me portais pas bien, c'est encore pis aujourd'hui. Je n'ai point de fièvre, du moins on le juge ainsi, mais je suis d'une faiblesse et d'un abattement excessif. J'ai la peine à croire que cet état ne m'annonce une fin prochaine. Je n'ai pas la force d'en être effrayé et ne devant vous revoir de ma vie, je n'ai rien à regretter. Divertissez-vous, mon ami, le plus que vous pourrez. Ne vous affligez point de mon état. » Nous étions presque perdus l'un pour l'autre, nous ne devions jamais nous revoir, vous me regretterez parce qu'on est bien aise de se savoir aimer. Ce sera son ultime lettre à Horace puisqu'elle va mourir effectivement quelques semaines plus tard, le 23 septembre. Et peu après, Horace Walpole va faire venir chez lui le petit chien de son ami, un petit chien hargneux, pas très sympathique à aucun point de vue, mais c'est le souvenir en quelque sorte. Il est évident que Madame du Défend aurait souhaité lui léguer beaucoup, beaucoup plus, mais lui a refusé de jamais recevoir davantage que ce petit chien. Bonjour Joël Chevet. Bonjour Franck. Relation extrêmement ambiguë et qui va mener comme cela Madame du Défend jusqu'au tombeau. Nous verrons tout à l'heure à quel point elle se renie dans cette passion tardive. Mais avant cela, quelques mots peut-être de ces derniers mois. C'est une femme qui ne vit plus que par procuration d'une alors, certaine en manière. En effet, enfin pas totalement par procuration, parce que Walpole lui répond quand même. Lui répond. La correspondance de Walpole, c'est l'œuvre de sa vie. On a parlé de romans, mais en fin de compte, il a consacré tout son temps à sa correspondance. Des lettres Donc, et des c'est lettres. C'est vrai, comme Madame du Deffand a continué sa correspondance avec Voltaire et que tous les deux étaient fiers l'un et l'autre d'échanger, Walpole avec Madame du Deffand, c'est un peu la même relation. C'est-à-dire que, en fait, correspondre avec Madame du Deffand, c'est correspondre avec une femme qui est admirée de toute l'Europe. Donc ça joue un rôle dans le cas de Walpole. Je pense qu'il a une sincère affection pour elle, c'est évident. Mais comme vous l'avez dit, il n'a qu'une peur, c'est du scandale, en effet, que pourrait... alors que ces lettres, en fin de compte, nous les lisons aujourd'hui, elles n'ont rien de sexuel, oui, non, bien entendu. Tout, hein. Mais par contre, elles montrent... Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est la relation de pouvoir qu'il y a entre les deux. Elle l'appelle mon tuteur, mon gouverneur, quand lui l'appelle ma petite enfant, ma chère enfant. Donc, vous voyez, l'inversion, là, des rôles. Et elle a des phrases quand elle lui écrit, où elle lui dit « Je n'ai que 13 ans ». Donc, comme si elle était redevenue une enfant qui découvre l'amour... où elle lui dit « J'oublie que j'ai vécu, où vous m'avez rendu poussière ». Donc on voit là une relation qui est vraiment une relation d'autorité de la part de Walpole, qui lui interdit même, par exemple, de se rendre à Chanteloup, chez sa très bonne amie Madame de Choiseul, où il lui interdit, alors qu'il est en Angleterre, et que pour elle c'est un voyage d'agrément, qui pour elle va lui apporter évidemment beaucoup de plaisir et d'agrément, et il le lui interdit, elle est obligée de se justifier de tout ce qu'elle fait. Donc on voit là qu'il y a une relation qui est quand même presque perverse entre les deux. Chez Walpole, on ne connaît pas d'autres amours féminines. On a évoqué une homosexualité à propos de Walpole, en particulier avec le poète Thomas Gray, avec lequel il a fait ce fameux grand tour étant jeune homme, et on ne lui connaît pas de maîtresse avérée. Donc voilà, on reste de ce point de vue-là dans une certaine ombre. Voilà. Madame du Deffand meurt en 1780, c'est-à-dire sous le règne de Louis XVI. Ça paraît incroyable. Hein. Oui. Elle meurt 2 ans seulement, même pas d'ailleurs, 18 mois seulement après la mort du grand Voltaire. Voilà, on peut dire qu'avec ces deux morts de Voltaire et de Madame du Deffand au début du règne de Louis XVI, enfin, au milieu du règne de Louis XVI, cette toute une époque qui disparaît. Ouais. L'époque en question, c'était celle de la Régence et de l'après-Régence. C'était les grandes années brillantes du début du règne de Louis XV. Si vous voulez, avec vous, Joël Chevet, nous allons nous y transporter dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un extrait de la bande originale du film Ridicule, le film de Patrice Lecomte, qui avait reçu 4 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, avec Charles Berling et Jean Rochefort, entre autres. Alors cet après-midi, nous sommes au cœur du 18e siècle, Franck. Vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'une des femmes les plus brillantes du siècle des Lumières, Madame du Deffand. Et nous allons plus loin aujourd'hui avec votre invitée, l'historienne Joëlle Chevet. Alors elle était née, cette Madame du Deffand, en 1697, c'est-à-dire au moment où le règne de Louis XIV s'assombrit considérablement, on est 3 ans avant la guerre de succession d'Espagne, les choses commencent à devenir sombres, et pourtant, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que les 15 à 18 dernières années du règne de Louis XIV, que l'on présente toujours comme une sorte de tannée, de marche au supplice, ont été en vérité culturellement très brillantes, très raffinées. C'est peut-être ce qu'il y a eu de plus raffiné dans notre culture d'ailleurs. Et évidemment, en 1715, à la mort du grand roi, tout ça explose dans ce qu'on appelle la Régence. C'est la grande époque de la jeunesse de Madame du Deffand, Joël Chevet. Oui, tout à fait. Alors, Madame du Deffand, bon, est née en Bourgogne, dans un château bourguignon. Par ailleurs, elle se marie très jeune, mariage arrangé dont il faut quand même signaler que c'est souvent pour les femmes, non pas forcément une contrainte, mais une libération. Mais bien sûr. C'est ce qui leur permet d'entrer c'est dans le émancipation. Monde. Une émancipation. Et donc, elle va se retrouver, en effet, à Paris, avec un mari qu'elle néglige très vite et qui est fort amoureux d'elle, mais elle préfère en effet les plaisirs de la société, et en particulier ceux de la cour de Sceaux, qui est présidée donc par la duchesse du Maine, duchesse du Maine, qui est la petite fille du grand Condé, toute petite femme, poupée de sang, comme on et l'appelait. Qui était l'épouse, et qui était l'épouse d'un enfant légitimé de Louis XIV. Du bâtard légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, le duc du Maine, le préféré de Madame de Maintenon. Et donc, la duchesse du Maine va mener à la cour de Sceaux un train extravagant avec évidemment beaucoup des fêtes de fantastiques, de très beaux esprits, dont l'éternel Fontenelle, qui mourra centenaire, donc il est vraiment lui de tous les salons pour le coup. Et donc, elle va faire ses débuts un petit peu, Madame du Deffand, à cette cour. Et ensuite, sous la régence, elle sera en effet 15 jours la maîtresse du régent pour C'est très important, parce que Dieu sait que le régent a eu un nombre, maintenant on peut dire incalculable, de maîtresses, mais c'était quasiment une estampille. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une sorte d'intromission dans la société. C'est-à-dire qu'avoir été la maîtresse du régent, même si c'est pour 15 jours, voilà. Ça vous donne paradoxalement un certain statut, et en même temps, ça tout vous perd fait. De réputation, faut quand même alors, dire ce totalement. Qui est. Alors, totalement. Et alors, c'est là où cette Madame du Deffand est quand même une énigme. Parce que la réputation qui a un tel prix, quand on pense à ce que ça signifiait au XVIIe siècle pour une Madame de Maintenon, la réputation, il faut évidemment la sauvegarder. Elle perd consciencieusement sa réputation, et évidemment, après la régence, il s'agit de s'en refaire une, mais de oui. se refaire une respectabilité, et c'est ce qu'elle va faire étant séparée de son mari, en ayant pour amant le président Hénault, qui est un homme en effet de salon, de très société lui aussi, oui, hein. grand magistrat, mais qui en même temps est, lui apporte cette respectabilité et cette stabilité. Alors y a-t-il eu amour entre eux ? On disait qu'elle n'avait jamais été amoureuse. Quand on relit quand même les lettres qu'elle lui écrit, quand elle est à Forges par exemple, où elle prend les eaux, où elle lui dit quand même qu'elle l'aime. Mais immédiatement c'est rattrapé par une ironie et une sécheresse, il faut jamais se laisser aller aux sentiments. Comme elle dit, je n'ai ni tempérament, ni roman. Et donc là, elle est vraiment caractéristique de cette époque où, en effet, être amoureux, c'est ridicule. Qu'en est le salon de Madame du Deffand, qui va devenir le lieu de sociabilité le plus connu de l'histoire de France? Le plus connu, je dirais qu'il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu d'autres, celui oui. de la Duchesse du Maine a commencé. Mais c'était Madame un salon aristocratique, un salon princier. Voilà, bien sûr, et où qu'elle dirigeait avec tyrannie, d'ailleurs. Et ensuite, il y a le salon de Madame de Lambert, qui est quand même très, très connu, celui de Madame de Tencin. Et donc celui où de Madame, on fait des mathématiques, où notamment. On fait des mathématiques. Chacun a quand même un peu sa caractéristique. Mm-hmm. Et je dirais que celui de Madame du Deffand n'est pas un salon politique. On y fait peu de politique. On n'y fait pas et défait pas les ministres comme dans d'autres salons et des salons plus tardifs d'ailleurs. Donc c'est avant tout un salon littéraire où en effet on aime une chose, c'est chroniquer les mondanités, se dire des bons mots, faire des portraits puis, très cruels sur les uns et les autres. Soyons honnêtes, si l'on vient chez Madame du Deffand, c'est aussi parce qu'on espère y voir la célébrité de l'époque, c'est-à-dire Monsieur de Voltaire. Bien sûr, avec lequel elle va entretenir une correspondance donc très longue. C'est vraiment la principale, je dirais, correspondante de Voltaire, en dehors de Madame du Châtelet d'ailleurs. Madame du Châtelet, dont elle fait un portrait d'ailleurs. Je vais vous en lire quelques lignes parce que c'est vraiment trop drôle la façon dont elle décrit Madame du Châtelet. Comme elle veut être belle, en dépit de la nature, et magnifique, en dépit de sa fortune, elle est obligée, pour se donner du superflu, de se passer du nécessaire. Oh mon Dieu, mais ça dit tout vous imaginez de cet esprit. Vous pouvez nous la redire parce que c'est tellement beau, c'est magnifique ça. Comme elle veut être belle en dépit de la nature et magnifique en dépit de la fortune, elle est obligée pour se donner du superflu de se passer du nécessaire. Et je voudrais juste vous en donner une autre. Je pense pas qu'on puisse être beaucoup plus méchant, ça n'existe pas. Qui définit très bien. Je voudrais vous en donner une autre qui définit très bien, d'une femme qui écrit fort bien aussi aujourd'hui, une grande historienne, Mona Ozouf, qui définit l'esprit de Madame du Deffand. Cette saisie au vol de l'occasion, le grain de sel posé sur la queue de l'instant, qui l'immobilise, le fixe et lui prête le goût de l'éternité. Très joli. J'ai trouvé que c'était aussi une très jolie façon de définir donc cet esprit qui, en même temps, vous le voyez, est particulièrement cruel. On vient voir Voltaire, mais qui vient voir Voltaire, si je puis dire? Qui fréquente ce salon de Madame du Deffand? Alors, il y a beaucoup de gens de l'aristocratie, en fait, qui fréquentent le salon. Et Voltaire, qui se pique d'égalité dans ses écrits, est en fin de compte fasciné par la haute aristocratie. C'est pas hasard si sa liaison avec Madame du Châtelet a eu la durée que l'on connaît. Il est très fasciné par le grand monde. Donc on voit aussi bien Madame de Choiseul, que la maréchale de Mirepoix, et que, évidemment, tous les premiers encyclopédistes que Madame du Deffand, d'ailleurs, n'apprécie pas du tout. C'est pas du tout une dogmatique. Elle, c'est une admiratrice, de la langue du grand siècle. Oui, voilà, c'est la norme. Pour elle, c'est Corneille et Racine. Ah oui, la langue du grand siècle. Montaigne. Montaigne. Montaigne aussi, dont elle est, de façon un petit peu originale, je dirais, à l'époque, elle défend beaucoup Montaigne parce qu'il n'est pas dogmatique. Et qu'il ne croit pas au savoir. Donc, en fait, elle ne partage pas du tout les goûts pour la littérature de son temps. Et lorsqu'on parlait de Walpole tout à l'heure, ce qui est très drôle chez cette femme, qui est avant tout une femme du grand siècle, c'est qu'elle adore la littérature anglaise. Ah, c'est ça. Et elle lit Richardson. Et Richardson est un peu entré à Paris grâce à elle, quand même. Et voilà. Donc, c'est vraiment très étonnant de voir que sur le plan intellectuel, elle ne suit pas du tout les encyclopédistes, et qu'en même temps, elle adore D'Alembert, qui sera évidemment son grand ami, et dont vous savez que la rupture viendra après qu'il soit tombé amoureux de sa nièce et que cette nièce ait monté un salon un petit peu parallèle au sien. Est-ce qu'on peut dire que Madame du Deffand a fait évoluer les goûts de son temps, les goûts de son siècle ? Est-ce qu'elle a eu une influence d'une certaine manière, au-delà du caractère mondain des réceptions qu'elle pouvait donner dans son fameux salon ? Alors, évoluer, je ne dirais peut-être pas ça, en tout cas, elle les a fixés. De toute façon, pour elle, le goût, c'était la référence suprême. Le goût. Mais quel goût ? Le goût dans le sens le bon goût. Le bon goût. Mais qu'est-ce que le bon goût, bien entendu ? Donc, je ne pense pas qu'intellectuellement elle ait fait évoluer les choses. Par contre, son salon était un foyer, évidemment, où se rencontraient tous ces beaux esprits, mais où on restait toujours quand même dans le frivole, dans la mondanité, parce qu'aristocrate. Et qu'aristocrate, c'est quand même dire « glissez mortel, n'appuyez pas ». Il y a une dame qui va faire concurrence à Madame du Deffand. On ne l'a pas vue venir parce qu'elle vient de la bourgeoisie financière. Elle ne tient pas salon à Paris puisqu'elle va pouvoir se permettre de tenir salon non seulement à Versailles mais carrément chez le roi. C'est Madame de Pompadour. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'une femme, une femme brillante cet après-midi, une femme du XVIIIe siècle, Madame du Deffand. Nous allons aller plus loin, nous allons parler des autres salons, notamment ceux qui se tenaient à Versailles avec Madame de Pompadour, grâce à votre invité, Joël Chevet. Franck. Alors justement, la cour de Versailles avait été l'épicentre de la vie française pendant tout le règne de Louis XIV, et puis avec la Régence, tout ça était reparti à Paris. Mesdames Geoffrin, de Tencin, du Deffand, etc., avait donné à la capitale une espèce d'importance considérable. Et voilà que Madame de Pompadour va faire, ça ne dure pas très longtemps, mais va faire un peu concurrence au salon parisien en rétablissant le brio de la cour versaillaise. C'est assez étonnant ce qui se passe là, Joël Chevet. Oui, je dirais que enfin, c'est peut-être pas si étonnant dans la mesure où Madame de Pompadour est aussi une parisienne. Eh oui, d'ailleurs, oui. Et qu'elle a gardé jusqu'au donc, bout des ongles. Hein. Jusqu'au bout des ongles, bien sûr. Et qu'elle a gardé, évidemment, et a même augmenté son réseau social, puisqu'on la voit aussi défendre les philosophes auprès de Louis XV. Peut-être pas avec le succès qu'elle espérait, mais en tout cas, elle a beaucoup d'amis dans les milieux philosophiques. Donc, elle va en effet, je dirais, créer un contre-salon, si l'on peut dire, parisien à Versailles. Mais en fait, ce sont les mêmes personnalités qui fréquentent les uns et les autres. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, puisque vous nous parlez de ces milieux philosophiques, il faut qu'on les définisse un peu, hein, notamment pour nos plus jeunes auditeurs, comme oui, je dis toujours quand on fait un peu de pédagogie. Oui, je dirais que c'est difficile à définir en un mot, oui. Les milieux philosophique, c'est-à-dire parce que justement, par définition, il y en a plusieurs. Ce sont des gens qui sont ouverts à un certain nombre d'idées de rationalité. Voilà, d'abord, hein. Exactement. C'est qu'on décide désormais de s'en tenir à la raison et donc de contester toutes les vérités de la foi. De croyance, voilà. Donc, vous savez que Voltaire, c'était la lutte contre l'infâme, oui. C'est-à-dire... Oui, c'était l'intolérance religieuse. Alors là, il allait très très loin. Et on trouve d'ailleurs chez Madame du Deffand, c'est ça qui est étonnant, cette irreligion, elle qui a été élevée au couvent, mais qui déjà à 12 ans prêche à ses compagnes, et elle qui vit chez les filles Saint-Joseph quand même, hein. Alors, l'ancien couvent Saint-Joseph, où elle occupe d'ailleurs l'appartement de Madame de Montespan, qui a fini, comme vous le savez, sa vie un petit peu en dévotion aux portes du couvent. C'est-à-dire que les sœurs en question louaient des appartements à des grandes dames qui finissaient leur vie, évidemment, après moult péchés, dans la repentance et les prières. On peut faire confiance à Madame de Montespan pour que l'appartement en question n'ait pas été trop inconfortable. Voilà, donc l'appartement était... Parce qu'on imagine toujours Madame du Deffand dans son fauteuil, le fameux tonneau. Oui, vous voilà, savez, oui. Ce fauteuil qui avait un petit toit comme ça. On qui la lui voit... permettait d'échapper au courant d'air. Voilà, on la voit à travers cette fameuse représentation de Carmentel, ce pastel, où elle est très fixe, elle est déjà aveugle. Alors qu'en fait, c'est une femme qui a été d'une part très jolie, très libertine, très active, et qui même jusqu'à la fin de sa vie, va au théâtre, sort, parce qu'on parle de son salon, mais elle va dans les autres salons. Elle va au théâtre, tout aveugle qu'elle est, elle se fait conduire au théâtre. Hein, elle se fait conduire partout. Elle est aveugle quand elle va à Chanteloup, quand Choiseul est exilé. Elle se fait conduire, elle a évidemment auprès d'elle des dames de compagnie, et en particulier, au départ, sa fameuse nièce, Julie de Lespinasse. Alors voilà, vous avez prononcé le nom, j'allais dire, un peu tabou, Julie de Lespinasse, avec lequel elle va, pendant toute une époque, constituer une sorte de duo. Elles reçoivent toutes les deux, si l'on peut dire. Tout à fait. Alors, Julie de Lespinasse, donc, est une nièce un petit peu éloignée, donc, de Madame du Deffand, et qu'elle a, elle est rentrée une année en Bourgogne, et elle a rencontré cette nièce. Et elle a souhaité la faire venir à Paris, justement, pour lui tenir compagnie et tenir avec elle son salon. Elles sont complètement différentes l'une et l'autre, en dehors de la différence d'abord, d'âge. Oui, et même physiquement, dans la façon d'être. Et même physiquement. Autant l'une, en effet, dans le déni du sentiment et dans la raison pure. Un esprit fort. Voilà, autant Julie. Certains diraient une libertine au sens philosophique du mot. Mais ce qui est curieux, par ailleurs, c'est que Julie, elle, qui est une fille passionnée, en même temps, c'est elle qui va faire le lien vraiment avec les philosophes et partager leurs idées. Le drame. Grande brune, Julie, beaucoup plus mince. Voilà, elle n'a pas du tout le même physique, madame. Un côté néoclassique, un peu. On parle de sa débilité physique, c'est-à-dire qu'elle est très, très menue, très. Alors que Julie, en effet, a une présence physique beaucoup plus importante. Elle a commencé un peu à fréquenter un Anglais, donc Madame du Deffand est intervenue dans cette relation pour lui demander s'il avait des intentions honnêtes. Apparemment non, mais il en a convenu. Donc il a laissé tomber Julie, qui ensuite s'est amourachée en effet de D'Alembert. D'Alembert qui était le grand ami, bien qu'elle ne partagea pas du tout ses idées, et qui était le grand ami de Madame du Deffand. Et elle est un des deux grands fondateurs de l'encyclopédie avec Diderot, bien sûr. Tout à fait, avec Diderot. Et donc, elle a commencé à recevoir, dans le petit appartement qui lui était réservé, rue Saint-Dominique, elle a commencé à recevoir tout ce monde philosophique dont elle partageait les idées avant que se tienne le salon, évidemment, de sa tante, qui l'a très très mal pris et l'a chassée immédiatement et sans retour. Ça a été terrible. Quand même. La rupture a été absolument totale. Un peu un cœur sec quand même, cette de Madame de Deffand. De ce point de vue-là, oui, on peut le dire, même si on la voit très, très affectueuse avec ses amis, comme ça, par exemple sûr. Madame de Choiseul. Mais pas avec sa famille, du coup. Non, mais là, pour elle, il y a trahison. Cette femme qui ne vit que de mondanité, qui ne peut jamais rester seule, qui ne parle que de son ennui, que de son néant. Ce sont des mots qui reviennent sans arrêt dans ses lettres. Donc elle ne peut jamais rester seule. On l'appelle, comme quelques-unes des femmes de ce monde, une lampe. C'est-à-dire qu'elle ne vit que la nuit. Et Julie était là, donc, pour lui faire la lecture, pour recevoir avec elle, mais sans prendre l'ascendant sur les invités. Là, elle a créé, je dirais, un contre-salon. Crime de lèse-majesté. À l'intérieur même de l'appartement. C'est une rivalité. Donc pour elle, ça a été rédhibitoire. Ce qu'aurait dû imaginer sa tante, sa lointaine tante, ce qu'aurait dû imaginer Madame du Deffand, c'est que Julie, en s'en allant, emmènerait avec elle un certain nombre de fidèles, allait créer un salon beaucoup plus dans l'air du temps tout que celui fait. De Madame du Deffand. Tout à fait, puisque je le disais, Julie était beaucoup plus proche des idées des philosophes que ne partageait pas du tout Madame du Deffand. Et pire, elle crée ce salon, rue Saint-Dominique, un petit peu après rue Bellechasse. Mais enfin, elles sont très très proches. Oh là là. Et donc, mais certains continuent. Est-ce qu'on peut fréquenter les deux salons? Ah oui, le président Hénault, dont elle n'est plus la maîtresse, mais dont elle est restée l'amie, qui continue de fréquenter son salon, commet aussi la trahison suprême de donner raison à Julie. Et le pire, évidemment, c'est le rôle que va jouer Madame Geoffrin dans cette affaire, salon concurrent, et qui, évidemment, donne raison à Julie. Madame Geoffrin, qui est méprisée par Madame du Deffand, qui est une aristocrate. Et donc, cette bourgeoise, même si sa fille est marquise, elle dit chez elle, de toute façon, on mange très mal, c'est beaucoup de bruit pour une omelette de lard. Donc, vous voyez déjà le ton qu'il pouvait y avoir entre ces dames. Mais ce qui est en effet étonnant, c'est vraiment cette dureté de Madame du Deffand qui ne cédera jamais, qu'il appelle là l'espinasse. Oui. Alors tous ces salons, celui de Madame de Tencin, celui de Madame du Deffand, celui de Julie de l'Espinasse, on pourra parler plus tard de Madame Récamier, etc., hein, puisque ça va se prolonger. Madame Strauss, la comtesse Grefeuille, jusqu'à la fin du 19e. Et même on pourrait presque dire jusqu'au milieu du 20e siècle, à la limite, à l'extrême limite. Noailles, etc., par exemple, au Gramont, oui, c'est vrai. Marie-Laure de Noailles tenait salon incontestablement, et d'autres, Madame de Caillavet, par exemple, qui tenait son fameux salon avenue Hoche. Ce qu'on a pu appeler pour le XVIIIe siècle le règne des femmes. Non. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des femmes qui tiennent ces salons. C'est l'art de la conversation du XVIIIe siècle qui est vraiment là, pratiquée en virtueuse. C'est ça qu'il faut dire, c'est la conversation. On ne vient tout de même pas uniquement pour boire du thé et entendre de jolies musiques. On vient pour pratiquer un art qui est un art comme... Pratiquer un art, en effet, mais qui ne doit jamais toucher à des matières trop techniques, trop professionnelles. C'est vraiment encore le thème de l'honnête homme qui se pique de ne toucher à rien. Donc on est encore quand même dans ce style Louis XIVien. Oui, un style qu'on pourrait presque appeler un style français d'une certaine manière. Non, c'est un éternel français. Oui, c'est ce qui fascinait un voyageur. Avec une évolution quand même, on commence à inviter des comédiennes. Je pense à Sophie Arnoux, par exemple, qui elle aussi avait des mots d'esprit absolument extraordinaires. À une amie qui se plaignait, par exemple, d'approcher de la quarantaine, elle lui disait « Mais ne vous plaignez pas, ma chère, chaque jour vous en éloigne. » Donc, vous voyez, il n'y avait pas que les grandes dames qui avaient de l'esprit. Et là, on est quand même déjà dans une société plus mélangée. Alors, lorsque certains, je pense au baron Grimm, par exemple, nous décrivent ces salons du XVIIIe siècle, ils laissent entendre quand même qu'ils respiraient un air général d'ennui, que tout était un peu compassé, que les bons mots étaient pour certains un peu ressassés et que tout le monde ne maniait pas au même degré que Madame du Deffand ou Monsieur d'Alembert le sens de la langue. Donc, est-ce que nous n'avons pas une vision un tout petit peu idéalisée de ce qu'étaient ces grands salons ? Disons qu'on retient la crème. on retient les plus jolis mots. Alors, je vois par exemple l'association de Madame du Deffand et le président Hainaut était très liée aussi sur ce jeu mondain. C'était des gens qui ne pouvaient vivre qu'en société, qui ne pouvaient pas rester seuls. Et pourtant, elle clame partout son ennui. Reste que elle est toujours entourée. Et le président Hainaut a beaucoup contribué quand même à dissiper cet ennui. Il lui écrit des lettres, par exemple, quand elle prend les eaux à Forges parce qu'elle pense avoir une tumeur du sein. Et il lui dit, écoute, et elle croit avoir rencontré son mari. Alors elle s'inquiète que celui-ci veuille reprendre des relations qu'elle ne souhaite pas. Et le président Hainaut lui écrit, il serait piquant que vous reveniez des eaux en y étant allé avec une tumeur, que vous en reveniez avec deux. Donc vous voyez, on passait son temps comme ça. Très drôle. Madame du Deffand et son monde, cet ouvrage de Benedetta Graveri avait donc été publié une première fois en 82. Il avait reçu le prix Viareggio du premier essai et le prix du meilleur livre étranger. Oui. Il est donc aujourd'hui réédité dans cette version révisée, augmentée, préfacée par le grand Marc Fumaroli, qui s'y connaît en matière de bel esprit et d'esprit classique. Il faudrait quand même que nous disions un mot, Joël Chauvet, de ce livre que vous étiez venu nous présenter il y a quelque temps, qui s'appelle « L'Élysée au féminin, de la deuxième à la cinquième République ». C'est l'histoire de toutes les premières dames. C'est en effet l'histoire des premières dames qu'on n'appelait pas ainsi évidemment au départ. Je commence réellement avec la première République, donc avec Madame Tallien, avec Joséphine, dont on a oublié que directoire et consulat, nous sommes en République. Et donc évidemment, je mène cette histoire en suivant un certain nombre de pistes jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Toutes ces premières dames sont donc vos invitées d'une certaine manière dans cet ouvrage publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Joëlle Chevet. Franck. Vous êtes un peu, d'une certaine manière, l'héritière de Madame du Deffand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, au cœur de l'histoire de Madame du Deffand, il y a un événement. Et aujourd'hui, cet événement, eh bien, il est étroitement lié à un autre rendez-vous dont va nous parler Lorena Martin. Eh oui, les petites nuits de Sceaux. Nous avons parlé de la présence de Madame du Deffand dans l'entourage de la princesse, hein, c'est-à-dire de la duchesse du Maine qui tenait cette cour de Sceaux, Lorena. Oui, et ces petites nuits de Sceaux, au domaine départemental de Sceaux, elles ont été justement initiées en 2011 en hommage aux grandes nuits données par la duchesse du Maine qui aimait tant les divertissements dans son domaine au XVIIIe siècle. Ces grandes nuits étaient des festivités nocturnes assez incroyables, des divertissements fastueux, des spectacles d'intermèdes, des petits sketchs auxquels Madame du Deffand a assisté. On exaltait la nuit, on organisait une fête en l'honneur de l'éclipse du soleil, on mettait en scène une pseudo-ambassade du Groenland et Saint-Simon les appelait les nuits blanches. Et à travers ces fêtes, on sentait aussi l'ambition politique de la duchesse du Maine. Alors il faut lire les mémoires de Madame Stahl de Launay qui raconte un peu tout ça. Hein. L'origine, oui. Elle raconte leur commencement dans ses mémoires. Madame la duchesse du Maine, qui aimait à veiller, passait souvent toute la nuit à faire différentes parties de jeux. L'abbé de Vaubrun, un de ses courtisans les plus empressés à lui plaire, imagina qu'il fallait pendant une nuit destinée à la veille faire paraître quelqu'un sous la forme de la nuit, enveloppé de ses crêpes, qui ferait un remerciement à la princesse de préférence qu'elle lui accorderait sur le jour, que la déesse aurait en suivant, qui chanterait un bel air sur le même sujet. Et l'abbé me confia ce secret et m'engagea à composer et à prononcer la harangue représentant la divinité nocturne. L'idée fut applaudie et de là vers les fêtes magnifiques données la nuit par différentes personnes. Alors, Madame la Duchesse du Maine. Aujourd'hui, les fêtes sont toujours aussi magnifiques? Oui, elles sont magnifiques. Vous avez plusieurs dates, en fait. Cette programmation est donc inscrite sur le site internet du domaine. Je vais pas tout vous donner. Mais par exemple, vous avez le dimanche 11 février, le Carnaval des animaux, qui est un bal costumé pour enfants de 6 à 12 ans sur le thème pour un dimanche des animaux. Ça tombe bien. Parfait, notamment ouais. des fables, puisque les fables étaient très en vogue à la cour de France, en particulier à la cour de Sceaux. Et durant ce bal costumé, mais des fables seront lues aux enfants. Vous avez aussi un spectacle Viva Espagna. C'est plus pour vous, ça, Viva Espagna. par l'ensemble Les Paladins Jérôme Correas, qui sera une sorte de voyage dans le temps participatif à la recherche des musiques et des danses espagnoles d'avant les débuts du flamenco. Et puis le samedi 19 mai, oui, un grand jeu de loi vivant. Ça va être amusant. Exactement, puisque les jeux de société faisaient partie des divertissements de cours et bien sûr lors de ces grandes nuits de Sceaux, et la duchesse du Maine les appréciait beaucoup. C'était donc, ça aura lieu tout ça au domaine de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, à l'orangerie de Sceaux. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et tous les jours, pour terminer l'émission, vous nous proposez un retour aux origines d'une invention, d'une tradition ou d'une expression. Et aujourd'hui, c'est une expression que vous très à la mode. Hein. Très à la mode, puisque vous l'utilisez, cette expression, au tout début d'une vidéo où vous annoncez le grand retour de Jérôme Commandeur sur l'antenne d'Europe 1. Tous les matins, Jérôme Commandeur. À 7h25, exactement. Cette vidéo, elle est hilarante, elle est à retrouver, bien sûr, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous commencez cette vidéo en parlant des bancs, de l'arrière-banc. Bah ça oui, vient le d'où, banc, ça convoquer le banc et l'arrière-banc. C'est ça. Mais voilà, il faut réviser vos classiques. Le banc, ça vient, c'est un terme d'origine francique, hein, la langue parlée par les Francs, et il s'agissait d'une proclamation publique, d'où le terme bannissement, le terme mettre au banc, etc. C'était toujours en rapport avec la publicité d'un acte, d'une certaine manière. Et à partir de cette origine, le sens s'est élargi chaque fois un petit peu plus pour donner naissance à des expressions qu'on utilise encore aujourd'hui. Ouvrir le banc, fermer le banc, ce qui veut dire au départ le fait de produire une sonnerie en roulement de tambour pour provoquer un attroupement. Publier les bancs aussi, hein. On parle de la publication des bancs pour un mariage. Même chose, proclamation publique. Alors, notre expression à nous, oui, là, le banc et l'arrière-banc, ça c'est nettement plus guerrier. À l'époque féodale, les vassaux doivent assistance au seigneur, vous savez, ils doivent notamment effectuer un temps de service militaire pour le compte du seigneur. Et ils forment à ce moment-là ce qu'on appelle le banc, donc B-A-N. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un seigneur convoque le banc. Et lorsque le péril est grand, eh bien le seigneur demande à chacun de ses vassaux d'aller convoquer leurs propres vassaux. C'est ce qu'on appelle l'arrière-ban. Donc, convoquer le banc et l'arrière-ban, ça veut dire demander la participation de tout le monde. C'est que ce sens guerrier a aussi donné naissance à un mot comme bannière, qui est un signe de ralliement de tous les hommes d'armes appartenant à un même banc. Elle représente cette bannière, l'autorité, l'assujettissement au seigneur. À partir du 19e siècle, le banc et l'arrière-ban, ça a pris un sens un peu plus civil, il faut bien le dire. Mais nous convoquons chaque après-midi, ici même, le banc et l'arrière-ban des auditeurs d'Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.